La maison d'édition Près le Parti du Travail de Corée a fait paraître le tome 106 du recueil de souvenirs parmi le peuple. Le livre contient 19 histoires transmettant les exploits immortels et la vertu populaire du président Kim Il-sung, qui est toujours parmi le peuple, a consacré tout pour le bonheur du peuple et l'accomplissement de la cause socialiste.